bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sûr Fadji avec Action Sport 2.0, Code You Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission Reggae. La dernière d'ailleurs, et oui car pendant 6 semaines je ne pourrais pas venir car voilà je suis en stage dans une autre ville qui n'est pas très loin, mais du coup forcément malheureusement je ne pourrais pas venir pendant 6 semaines. Ouais ça va être très très loin, 6 semaines sans... Il y aura des émissions. Mais forcément ça sera des petites rediffusions donc que vous aurez sûrement entendu. Mais si vous avez loupé des émissions, bah c'est le moment de les écouter. Hein. Pendant 6 semaines vous aurez le temps d'écouter les émissions que vous aurez peut-être loupées. Donc du coup voilà. Sur ce, aujourd'hui je vais vous faire 8 artistes que vous connaissez peut-être, mais un peu à ma manière, car pour ceux qui savent pas, ça va faire un an que je suis DJ. Donc je remixe quelques morceaux et je crée des morceaux. Et du coup forcément je pouvais pas m'en empêcher pour la dernière de vous faire un morceau reggae remixé. Vraiment ça me tient à cœur. Donc je me suis fait ce petit kiff et du coup je vous propose qu'on démarre dès à présent. Allez mes Rasta, pour la première chanson c'est Bob Marley, la chanson Is This Love que tout le monde connaît et que pas mal de monde aime, voire même tout le monde. Et du coup forcément remixé en house, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, let's go. Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? I wanna love you. Treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. Yeah, good job, brother. Eh bien voilà mes Rastas, c'était Bob Marley, Is This Love. Allez, notre deuxième artiste est un artiste que tout le monde connaît aussi, un très très grand chanteur reggae qui se nomme Alpha Blondy. La chanson est Jérusalem, c'est une de mes chansons préférées. Et franchement, bah, c'est tout de suite sur Fadjet. Allez, let's go. Yeah. Eh bien voilà, mes Rasta, c'était Jérusalem de Alpha Blondy. Allez, notre troisième artiste est Tonton David. Je l'ai mis avec un groupe qui est intouchable. Et la chanson s'appelle La Gagne. Franchement, c'est une chanson que j'écoutais il y a quelques années maintenant, parce que la chanson est quand même plutôt âgée. Elle prend de l'âge quand même, la chanson-là. Donc c'est une chanson que j'écoutais il y a quelques années. Et que j'adore quoi, franchement elle bouge à mort de ça, puis avec le petit tonton David derrière, ah c'est propre, hein. C'est super bien, j'espère que vous allez apprécier aussi, c'est tout de suite sur Fadjet, let's go. Yeah. Pablo, Et patron, intouchable tonton David, man. Et mais qu'est-ce qui se passe? Pablo, Si tu cherches pas la gagne, ce sera la même qui trouve, ce sera la même pour tous. On vit tous comme des ouf, si tu cherches pas la gagne. Et si tu cherches pas la gagne, ce sera la même pour tous. On veut tous plus de ouf. Mon grand, dans la vie, non, faut pas perdre de temps. Inutile de refaire les erreurs de tous les perdants. Dès les pertes dedans, t'évades pas, apprends que tous les mauvais garçons finissent pas toujours vieux. Attends un peu, puis ensuite prends-toi en main. Racaille pas trop dehors avec les uns et les voisins sur les engins. Fais pas le fou, t'as oublié les pépins que peuvent causer les deux roues. Issus du 2000 Nzou, je me foutais tout. De mon bac, de la bac, je voulais le cash surtout. Mais le black ex, bac du intouchable, DRY. Assume mettre ses mains à carreau pour enfin la mettre sur des kilomètres, j'ai le niveau. Mâche pas mes mots, mate ma démo. Si tu lui quel ghetto, tu peux le bloquer sur mes mots si t'as pas suivi mon flow. Ouais, c'est tellement speed que je suis déjà sans si Remo. Si tu cherches pas la gagne, ce sera la perte qui trouve. Ce sera la même pour tous. On vit tous comme des ouf. Si tu cherches pas la gagne, et si tu cherches pas la gagne, ce sera la même pour tous. On veut tous plus de ouf. Mon grand, fais pas le con, mets tes dents et ton écharpe. Écoute les conseils des parents, y'a tant de choses qui nous échappent. Eh, hey, traîne pas dehors, t'as plus de temps pas sur ton sort. Beaucoup de gens perdent le nord, merci toi si tu t'en sors. Poto, méfie-toi, fais attention à tes fréquentations. Sous la pression, elles changent de direction. Même en tant que crise, il faut toujours ta directive. Laisse tomber le bis, c'est l'école ou la vie active. J'y sais, j'y réagissais, les poils hérissés, les chavons remplissés. Les jeufs, on méprisait, je pensais qu'on pouvait pas quitter le ghetto français. J'étais inconscient, foutu de rage, je me souciais. Puis j'ai pris ton sang, j'ai trop vu passer ma chance en équilibre sur une chaise. Je suis parti dans tous les sens, si t'as pas suivi mon flow, c'est que t'es encore dans le fou, ouais. Mérite les choses à la sueur de ton si flow. Si tu cherches pas la gagne, ce sera la perte qui trouve. Ce sera la même pour tous. On vit tous comme des ouf. Si tu cherches pas la gagne, et si tu cherches pas la gagne, ce sera la même pour tous. On veut tous plus de ouf. Habile au foot comme en rime, je suis speed. Déblatère un max quand l'arbitre me prend ainsi pour cible. Je suis précis comme un Mac 10. Vite et souple comme un athlète. Crois jamais en manque de souffle. Je cours à la conquête de la maille. Non pas celle du Graal, je mon viral. Pas sur les impôts, mais toujours est la paille. Entouré de mes canailles, comme toujours on a les crocs. J'ai trop d'entailles dans la peau pour oser voir le rétro. Eh, hey, dans mon ghetto, t'es malin ou simple. Crois y'a toujours moyen de finir comme un mec refait. Évite les arrêts, bombardo stop. Traîne pas trop vers marais, évite de spot. Tu veux clasher, mon vieux, t'as pas vu mes potos. Tu veux nous chercher, bah trouve d'abord le métro, c'est la poisse. Qui te fait louper ta conditionnelle. Sache qu'on sera toujours opérationnel. 67 tontons sur la planète. Respect papa, merci la matière. Depuis on a passé 2000 et mon pouce. Une lettre des impôts, y'a la patronne qui tousse. Donne-moi un break, une bonne zik, un truc fort qui déroule. On dévale le rythme tout chousse. 2005 à gaz avec un touchable. Faire danser les équipes et déstresser Paname. Doucement drague, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement démon, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement d'Awalab, ils savent pas ce qui nous pousse. Qu'est-ce qui se passe si demain Starac nous propose des ous. Doucement Carlito, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement Big Nas, ils savent pas ce qui nous pousse. Doucement intouchable, ils savent pas ce qui nous pousse. Ma vie qu'à un prix, ils savent pas ce qui vous pousse. Si tu cherches pas la gagne, ce sera la perte qui trouve. Ce sera la même pour tous. On vit tous comme des ouf. Si tu cherches pas la gagne, cherche pas la gagne, ce sera la même pour tous. On veut tous plus de ouf. Si tu cherches pas la gagne, ce sera la perte qui trouve. Ce sera la même pour tous. On vit tous comme des ouf. Si tu cherches pas la gagne, et si tu cherches pas la gagne, ce sera la même pour tous. On veut tous plus de ouf. Eh bien voilà, mes Rasta, c'était Tonton David avec le groupe Intouchable. Allez, notre prochaine chanson est une chanson que j'adore. Elle est de Jahil et le titre de la chanson est Si j'étais président. Vous allez voir, c'est une chanson que je kiffe à mort. J'adore l'écouter, par exemple, sous la douche. Ouais, je sais. Ah, faut savoir que moi, quand je prends ma douche, c'est toujours avec de la bonne musique. Toujours. Donc du coup, Jahil, si j'étais président sous la douche, c'est une tuerie. Donc Jahil, si j'étais président sur Fadjet, eh ben, c'est encore plus de la bombe, donc c'est parti. Si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. Si j'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi dis-moi combien je ferais de temps. Si j'étais président, j'étais premier ouvrier. J'étais premier ouvrier à dormir à l'Élysée. Je garantis qu'à l'Assemblée. J'aurais des gueules plus colorées. J'étais chef du FMI. Au bled, j'aurais le RMI. J'aurais fait les poches à Rothschild. Pour tout donner au bidonville. Et mon frère, si j'avais contrôlé Wall Street, t'aurais peut-être gardé ton fric. Mais les temps changent. Maintenant les banques font des holders. Facile, on garde les mêmes salaires. Les mêmes salaires, les mêmes salaires en CFA. Moi, si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. Si j'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi, dis-moi combien je fais de temps. Si j'étais présentateur, si j'étais présentateur, vous voyez ma gueule aux 20h. J'aurais plus parlé du Darfour, plus parlé du Darfour que d'Ingrid Betancourt. Et dans ta classe de 25, dans ta classe de 25, en cours de lettres appliquées, on parlerait pas du passé simple, non, non, mais plutôt le futur compliqué. Je suis ni à gauche, je suis ni à droite, je suis juste un gars d'en bas. Le seul parti qu'aurait ma carte, c'est celui qui marche droit. Je m'en fous d'identité française. Identité française. On est tous de la race humaine. De toute façon, j'aime pas la Marseillaise. J'aime pas la Marseillaise. Moi, je préfère la Colombienne. Oh. Moi, si j'étais président, j'aurais pas fait longtemps. Si j'étais député, je crois qu'il m'aurait buté. J'étais commissaire, je foutrais mon flingue en l'air. Toi dis-moi combien je fais de temps. Rasta, c'était Jahil, si j'étais président. Allez, notre prochaine chanson est d'un groupe que j'adore, mais alors vraiment, c'est un de mes groupes préférés, c'est Raga Sonic. La chanson là en plus, elle est juste magnifique, je l'adore, c'est Bleu, Blanc, Rouge, vous allez voir, elle est juste magnifique. J'adore Raga Sonic, mes frérots, sur ça vous avez géré, je vous aime. Ah, vous êtes les meilleurs. Allez, c'est tout de suite, let's go. 1, 2, 3, 4. Tes yeux sont bleus, ta purée blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu, et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait.

Miley Percocets, big firm. Percocet, yeah. Miley Percocets, big firm. Rep the set, yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick, yeah. Never chase a bitch. Big firm. Mask on, yeah. Fuck your mask on, big firm. Mask on, yeah. Fuck your mask on, big firm. Percocet, yeah. Miley Percocet, big firm. Chase a chick, yeah. Never chase a bitch. Chase no bitch. Photo maybe. I drive anything, yeah. Buy my range, yeah. Make them go insane, yeah. Draper methazine. Taking beams, yeah. Go to those extremes, yeah. Let's go. Parliament, calamari wins, yeah. Parlay in Vegas, we was in the tennis, let's go. Before the business, yeah. Theodore lenses, Theodore prescriptions, yeah. Focus on the mission, for my phone, intermission, hold on. Never take a break, we can't hold on. Switch states, catch down for our place. Speech, ain't no way, ain't no fucking way. No, we come to play, we didn't come to play. No, rob the bank. We gon' rob the game. Again, they gang, we gang. Gang. Well, they are not the same. We bang. Percocet. Yeah. Miley Percocet. Big firm. Percocet. Yeah. Miley Percocet. Big firm. Rep the set. Yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick. Chase. Never chase a bitch. Big firm. Mask on. Yeah. Fuck your mask on. Big firm. Mask on. Yeah. Fuck your mask on. Big firm. Percocet. Yeah. Miley Percocet. Big firm. Chase a chick. Yeah. Never chase a bitch. Oh là là là, qu'est-ce que j'adore cette chanson. Oh là, elle est tellement bien les amis. Allez, notre avant-dernière chanson est une chanson de Damien Marley. C'est Road to Zion. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, ou leur titre, le titre ne leur dit rien. Soit vous allez reconnaître, et si vous ne connaissez vraiment pas du tout, bah c'est simple, vous allez kiffer de ouf. C'est obligé. Allez, let's go. This world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where you abuse them authority. Me the clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me yammer them a slam and spectator get low. Some boy could have big like Bam Bam Bigelow. Bust off trigger finger, trigger end and trigger toe. A two gun me up, me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. Hey, we got to keep it burning. Without a doubt, don't make them take you like who them took out. Jah will be waiting there, we a shout. Jah will be waiting there. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Jah will be waiting there, we a shout. Jah will be waiting there. You got to keep on walking, yeah. On the road to Zion. Yeah. Been waiting to do this track with you, man. Yeah. Ha ha. Yeah. You know. Yeah. They know. You got to keep on walking, yeah. On the road to Zion. You gotta keep walking, y'all. Yeah, yeah, you gotta keep. Sometimes I can't help but feel helpless. I'm having daymares at daytime, wide awake, try to relate. This can't be happening like I'm in a dream while I'm walking. Cause what I'm seeing is haunting. Human beings like ghosts and zombies. President Mugabe holding guns to innocent bodies in Zimbabwe. They make John Pope seem godly. Sacrilegious and blasphemous. In my lifetime, I look back at paths I walked, where savages fought and pastors taught. Prostitutes stomping high heel boots and badges scream at young black children. Stop or I will shoot. I look back and cook crack, plush cars that pass by, Jaguars, mad fly. And I'm guilty for materialism. Blacks are still up in the prison. Trust that. So save give me your sorries. I'm raising an army, revolutionary warfare with Damian Marley. We sparking the irons, marching the Zion. You know how Nas be, NYC state of mind. I'm in this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police where you abuse their majority. Media clowns when I know about variety. Single parents that need some charity. Youths that need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy, by any plan and any means and strategy. Say, I got to keep on walking. Et bien voilà, mes Rastas, c'était Road to Zion de Damian Marley. Allez, pour notre dernière musique, c'est du lourd. En plus, on a un peu de retard, donc on va essayer d'aller faire assez rapidement pour pas trop déranger les prochaines émissions. Du coup, c'est Snoop Lion avec la chanson Right Up. Du coup, c'est tout de suite. Let's go. Come in, yard man in the place. You know we ever clean. High grade flow through with bloodstream. The goons I'm out, the girls I'm out. We love the chemistry. We making money. The guns we don't want no enemy. Come make we do this till the morning until it starts dawning. Link up with me, our enemy. Put your lighters up, get high with me, fly with me. Ain't no dividing us. East side. Side, north side, south side, unified. Come on and ride with us. Put your lighters up. Get high with me, fly with me. Ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified. Us, we choose the destiny, and we don't need no negative to get the best of me. Yeah, love and unity alone can't get to me, or if a girl need me. So if you know a lot of love is spread, but you light up, let me be a better day. If you try and get a brighter love, get all you stop the war, make no shots, no buzz. Bust up, don't make the vibes turn up. Yeah, put your lighters up. Yeah, get high with me. Side, west side, north side, south side, unified. Come on and ride with us. Put your lighters up. Get high with me. Fly with me. Ain't no dividing us. Eh bien voilà mes Rasta, l'émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite de très très joyeuses fêtes de fin d'année, une bonne année, une bonne santé d'avance, hein, je sais un peu tôt mais bon voilà, je vous dis quand même et je vous dis à en janvier tout simplement, hein, je sais pas si ça se dit en janvier, ça me paraît bizarre, je sais pas si c'est très français, bon c'est pas grave, c'est dimanche soir, fatigué, hein. Et bon, une bonne semaine à toutes et à tous et puis bah... Au mois de janvier. Voilà, ça m'a l'air plus français. Allez, salut tout le monde. Get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side, south side, unified. Come on and ride with us. Put your lighters up. Get high with me, fly with me, ain't no dividing us. East side, west side, north side.